c'est une chose qui nous rend magique. Toi tu as choisi la dure, toi t'as choisi la toxique. Il la faut pour exister, il la faut quand tout va mal. T'as choisi de t'intoxiquer pour sortir de la normale. Pour te sentir différent, de plus en plus tu en prends. Ça ne fait que te détruire. Que tu lui dises non, tu joues avec ton avenir. Ce n'est pas ça qui te rendra le sourire. Tu ne crois pas que ça t'empoisonne, tu t'en sers comme un remède. Si tu l'oublies, elle te sonne, tu la regardes et tu sais. Dans tes rêves, c'est la même chose, un regard te met en joie. Tu ne sais plus de quoi tu causes, tu n'entends plus les autres voix. De plus en plus tu en prends. Ça ne fait que te détruire. Tu finiras par en mourir. Tu sais il est toujours temps pour que tu lui dises non. Tu joues avec ton avenir. Ce n'est pas ça qui te rendra le sourire. La folie t'a envahi, tu n'en as jamais assez. Tu n'en rêves pas que la nuit, tu as choisi de l'aimer. Moi comme toi j'ai fait ce choix, mais ça ne me détruira pas. Moi la mienne n'est pas toxique, moi ma drogue c'est la musique.